Oui, c'est lui. Il est mort en quelle année? Oh, peu de temps, quelques années après, la fin des années 90, je peux pas vous dire la date exacte, là, mais il a été nommé à Québec, il est arrivé à Québec peut-être un an ou deux, puis il est décédé d'une maladie cardiaque très rare. Il était historien professionnel, lui, c'était son métier? Ah oui, ah oui, il avait tous les diplômes, là, et en plus, il était chercheur, et puis, quand il a eu l'idée de trouver le lieu de la sépulture de Maisonneuve, écoutez, il l'a trouvé. Nous sommes chez Lise Monpetit, à Montréal. Nous évoquons le souvenir de Denis Sanson et de sa quête du tombeau de Maisonneuve. Cette Québécoise est passionnée par la saga de la création de sa ville. D'ailleurs, elle a présidé pendant plusieurs années la Société historique de Montréal. Elle est encore très impressionnée par l'exploit de Denis Sanson. Plusieurs siècles après la mort du fondateur de Montréal, il a pu identifier le lieu où ce dernier a été enterré. Il s'agit de la chapelle Saint-Charles à Paris. Comme nous l'avons appris dans l'épisode précédent, le site religieux a été transformé en école. Des travaux importants ont été réalisés pour accueillir les élèves. Alors retrouver la tombe intacte relève de l'exploit. Lise Monpetit se remémore cette époque au milieu des années 90 où l'audace de Denis Sanson ne se laisse pas désarçonner par ses travaux importants. Car si la chapelle Saint-Charles a été rasée, peut-être que son sous-sol a été épargné. Impossible évidemment de creuser en plein milieu d'une école pour trouver un hypothétique dallage. Mais une coïncidence fournit aux historiens québécois une bonne manière de poursuivre l'exploration. Une équipe de travaux publics de Longueuil est en déplacement dans la capitale française. Ils s'adonnent à être sur place, à faire des travaux ailleurs. Ils acceptent d'aller là où Denis Sanson est assuré que se trouve la sépulture de Maisonneuve. Et ça se trouve, imaginez, dans le gymnase d'une école de Paris. Bon. La Société géophysique est équipée pour faire un relevé radar. Autrement dit, ils peuvent fouiller le sol sans creuser. Grâce aux ondes électromagnétiques de haute fréquence. Ils font un relevé complet pour détecter d'éventuelles anomalies sous les bâtiments. La réponse ne tarde pas à tomber. L'excitation est grande parmi les chercheurs montréalais, car, comme le précise Lise Monpetit, forcément qu'il est enterré là, à cet endroit-là. Alors, les fouilles de géophysique, là, le disent, et j'ai vu un document, moi, assez grand, avec on dirait qu'il y a quatre ou cinq tombes là, de mémoire, ça fait quand même 25 ans, là, qui sont là. Le relevé laisserait apparaître des anomalies dans le sous-sol de l'école. Et ces taches sur le radar ressemblent à des tombeaux. Lise Monpetit et sa bande d'historiens se prennent à espérer. Imaginez sur une des tombes s'il y avait une inscription « C.J. Paul Sommedé, sieur de Maisonneuve ». Il faudrait le rapatrier. Bon, je pense qu'il faudrait le rapatrier puis lui donner une place ici, une place d'honneur à Montréal. Lise Monpetit imagine qu'il serait possible d'extraire le cercueil et de le transporter en lieu sûr au Québec. Ce serait l'occasion de célébrer le fondateur de Montréal en lui bâtissant un monument. Quand les cendres de Jeanne Mance, la cofondatrice de la ville, ont été déplacées dans la crypte de l'Hôtel-Dieu, elle a été célébrée au cours d'une longue procession. La créatrice du premier hôpital, qui a tant soutenu Paul de Chomedey, repose ainsi en plein cœur du plateau Mont-Royal. Alors, pourquoi son acolyte n'aurait pas droit à un tel honneur? Sur la base du relevé radar, Denis Sanson réussit à convaincre le musée Pointe-à-Calière de lui déléguer un archéologue. Si on veut atteindre la tombe, il faut maintenant creuser. Nous avons retrouvé cet archéologue nommé Jean-Guy Brossard. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Depuis 1992, depuis l'ouverture du musée de Pointe-à-Calière, musée d'archéologie d'histoire de Montréal, j'ai été l'archéologue en chef de cette institution. Il vit aujourd'hui en Gaspésie. Nous l'avons sorti de sa paisible retraite pour avoir le fin mot de toute cette histoire. À l'époque, quand il débarque dans cette mission, On lui remet le rapport des ingénieurs de Longueuil. Et eux semblaient avoir détecté des anomalies à une certaine profondeur assez constante l'emplacement de la chapelle qui avait été démolie en 1930, dont l'espace faisait partie maintenant de l'école. Bon, on avait donc des indices que quelque chose en sous-sol à une profondeur entre 0,70 et 2 mètres de profondeur sous les planchers, qu'il y avait quelque chose là qui était assez constant. Et les ingénieurs ont hypothétiquement interprété ces anomalies comme étant possiblement le plancher de la chapelle sous lequel les historiens avaient appris que il y avait des sépultures, dont celle possiblement de Maisonneuve. Jean-Guy Brossard a beaucoup d'expérience. Il consulte le document et prend connaissance des anomalies qui ressemblent à des tombes. Mais cela ne suffit pas à le convaincre. Les archéologues connaissent bien cette technique. Oui, ben nous, en tant qu'archéologues pour la ville de Montréal, dans les années précédentes, l'ouverture de Pointe-à-Calière, on a travaillé pendant plusieurs années à Montréal et on a utilisé ces techniques-là pour découvrir des vestiges ou l'état de vestiges sur différents terrains du Montréal. C'est une technique qui est un premier pas, si on veut. C'est une tentative relativement simple, rapide, pas très coûteuse, qui peut permettre d'avoir des indices. Non, on découvre rien avec ça. On fait juste voir, est-ce qu'il y a des anomalies dans le sous-sol? On ne découvre rien avec cette méthode, souligne Jean-Guy Brossard. On réunit quelques indices pour bien fouiller sur le terrain. Car c'est à ce niveau que l'archéologue peut exercer tout son talent. Tant qu'on n'a pas fait un sondage, nous, les archéologues, on se prononce pas. On se documente historiquement, bien sûr, mais il faut toujours aller au terrain pour être capable d'en savoir plus, quoi. Notre opinion en tant qu'archéologue on ne s'en va pas chercher Maisonneuve. On ne s'en va pas chercher la tombe de Maisonneuve. On s'en va voir. Oui, il y a des données géophysiques, des données historiques. On s'en va voir s'il est possible de trouver des vestiges et de voir l'état de conservation du site. C'est sûr qu'on avait espoir de trouver un plancher. Si on trouve un plancher, bien là, on a hâte d'aller voir en dessous. Et etc. T'sais, tout était possible. Jean-Guy Brossard ne se laisse pas emporter par la fougue de l'équipe. Sa rigueur scientifique est même une douche froide pour l'enthousiasme général. Il part à Paris pour creuser dans l'école, mais sans certitude de retrouver le tombeau. Comme on peut s'en douter, l'archéologue est envoyé en mission pendant les vacances scolaires pour être libre de ses mouvements. Eux avaient localisé l'emplacement, la petite cour qui était le seul endroit accessible de l'école où on pouvait pratiquer un sondage. On ne pouvait pas détruire les installations de l'école, par exemple, faire un sondage dans le gymnase. Donc, cette petite école, par la superposition des plans, il était et sa petite cour, et c'était évident qu'elle se trouvait dans la chapelle, dans la partie arrière de la chapelle, à l'intérieur de la chapelle, juste à l'intérieur. En superposant les plans, les historiens et les services de la mairie de Paris ont identifié l'emplacement exact de la chapelle. Grâce à cette information, une excavatrice a creusé un premier trou pas trop profond dans la cour de l'école. Puis, Jean-Guy Brossard se met à fouiller de façon méticuleuse à la main. L'objectif est de voir si le plancher est intact et si, par chance, on peut retrouver les tombeaux en dessous. L'archéologue aperçoit d'ailleurs un premier indice. En paroi du sondage mécanique, on avait observé des ossements humains. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce sondage manuel dans cette partie-là du sondage, sur ce côté-là du sondage, pour aller voir comment étaient placés ces ossements humains et est-ce que c'était des ossements humains, comme on le dit dans notre jargon, en connexion anatomique, c'est-à-dire en place, comme un squelette dans une tombe, il est en place, les os ne sont pas déplacés, etc. Ou bien si c'était un dépôt d'ossements humains qui était complètement dérangé par toutes sortes d'activités postérieures aux inhumations. Sur le côté du sondage mécanique, des restes humains ont commencé à affleurer. Encore faut-il savoir si ces ossements forment des squelettes ou s'ils sont pêle-mêle dans la terre. Le sondage a démontré que les ossements humains n'étaient pas en place, ils étaient complètement perturbés. Ceci a été interprété par, comme c'était souvent la coutume à cette époque-là, les inhumations n'étaient pas profondes. On n'excavait pas très profondément pour installer les sépultures. C'est peut-être la raison. Ou l'autre raison, c'est qu'il y a eu un décapage postérieur aux inhumations. Et ce décapage-là est survenu probablement lors de la démolition de cette chapelle dans les années 1930. Hélas, les outils qui ont servi à détruire la chapelle Saint-Charles ont été rudement efficaces. La dalle n'existe plus, et les cercueils encore moins. Les os trouvés dans la terre sont éparpillés. Ils appartiennent peut-être à Paul de Chaumenay ou à un autre. Jean-Guy Brossard confie le sac qui les contient aux autorités françaises, avant de s'envoler pour Montréal. L'équipe de Denis Sanson est déçue par ce résultat, mais savoure ses avancées. Grâce à elle, on en sait plus sur la fin de vie de Maisonneuve. Une plaque est apposée à Paris pour entériner la découverte. Alors, nous sommes partis pour Paris l'année suivante et tout était en place. Et nous avons inauguré une plaque au 10 de la rue Rollin qui dit que Maisonneuve, ici s'élevait la chapelle des pères de la doctrine chrétienne où fut inhumé le 10 septembre 1676 Paul de Chaumedé, sieur de Maisonneuve, gouverneur, fondateur de Montréal, Québec, Canada. Alors, c'était très impressionnant. Très impressionnant d'être là lorsqu'on a posé cette plaque. La plaque est là, toujours visible à Paris. Elle marque l'endroit où Paul de Chaumenay de Maisonneuve a été enterré. Elle symbolise aussi une belle conclusion pour cette épopée archéologique. Et bizarrement, ce genre de quête n'a pas fini d'animer l'actualité de notre province. C'est ce que nous découvrirons dans un épisode bonus. L'énigme Maisonneuve, un balado en 2 épisodes. C'est sûr que moi, j'ai connu des gens qui cherchaient, par exemple, la sépulture de Champlain à Québec, qui finalement ont cherché, puis ils ont trouvé rien d'autre. Ils ont trouvé tout, mais pas Champlain, tu sais.